En bas du bloc, j'essaie un peu de changer. C'est pas au grand que j'ai envie de ressembler. Pas de cinéma pour caillasser les condés. 24 heures déjà, c'était pas ça le plan B. Avec ici Marcisca et le frérot mexicain. Tu sais qu'on aime pas trop se mélanger. Mets les mains à la pâte si tu veux du pain. Dans la rue, personne te donne à manger. J'fais que zoner, j'fais que voler pour m'en sortir pour la monnaie. J'coupe le loki, j'fais des songes, j'donne aux Yankees, aux étrangers. Me fais courser par les condés, fuck le placard, j'veux plus tourner. J'me dis que c'est maintenant que tout est possible. J'pense qu'à faire de la monnaie. Ouais, ouais, ouais, je roule un donné. C'est dans mes gènes, madame t'es sangue. En bas du bloc, j'essaie un peu de changer. J'pense qu'à faire de la monnaie. Ouais, ouais, ouais, je roule un donné. J'pense qu'à faire de la monnaie. Ouais, ouais, ouais, je roule un donné. Mon frérot est sorti, semi-liberté. J'roule un gros donné, j'suis foncé dans la ville. Ça vient des montagnes, faut pas t'inquiéter. Y'a que du THC à fond dans la résine. Paye pas la caution, mais font les fous en lock. Pas vu, pas pris, je nie tout en bloc. Posé dans la street, pas pour décorer. Même pas 24 heures, on écoute tout le stock. J'fais que zoner, j'fais que voler pour m'en sortir pour la monnaie. J'coupe le loki, j'fais des songes, j'donne aux Yankees, aux étrangers. Me fais courser par les condés, fuck le placard, j'veux plus tourner. J'me dis que c'est maintenant que tout est possible. J'pense qu'à faire de la monnaie. Ouais, ouais, ouais, je roule un donné. C'est dans mes gènes, madame t'es sangue. En bas du bloc, j'essaie un peu de changer. J'pense qu'à faire de la monnaie. Je roule en donné. J'pense qu'à faire de la monnaie. Ouais, ouais, ouais, je roule en donné. Madame t'es sangue.